souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 10, troisième partie. Autre jeune, le sculpteur Mayol, Rodin, Georges Rouault, le douanier Rousseau, Picasso et le cubisme, mes portraits. Après les grands impressionnistes, on avait dit « fini la peinture ». On le redit encore après Van Gogh, après Gauguin. Mais alors les Bonnard, les Maurice Denis, les Roussel, les Vuillard surgirent. À ce coup, on déclara « Tiens, on s'était trompé, mais cette fois, c'est bien fini ». Cependant, le dieu de la peinture, comme pour démontrer qu'en art, ce n'est jamais fini, fait éclater une nouvelle floraison de peintres. Derain, Marquet, Matisse, Vlaminck, pour n'en citer que quelques-uns. Le hasard m'avait fait rencontrer Vlaminck, sans que je m'en doutasse. Un jour, rue Lafitte, j'avais croisé un grand et fort gaillard que son foulard rouge, noué autour du cou, pouvait faire prendre pour quelque militant anarchiste. Il tenait à la main une grande toile qui, si j'ai bonne mémoire, représentait un coucher de soleil qu'on eût dit sorti de tubes de couleur, comme rageusement écrasé. L'effet était saisissant. L'homme au foulard rouge avait de bons yeux pacifiques, mais on s'attendait à l'entendre fulminer « Ceux qui rigoleront de ma peinture, je leur fous sur la gueule !» Devant une telle toile, on rejambait bien un peu. Pourtant, il y avait là-dedans quelque chose d'excitant qui me faisait désirer entrer en rapport avec son auteur. Quelle ne fut pas ma surprise le jour où Matisse me conduisit dans l'atelier de Vlaminck. J'étais chez le peintre au foulard rouge. Cette fois, il portait une cravate en bois, de son invention, et dont il pouvait modifier le coloris à sa fantaisie. Les paysages qui garnissaient les murs étaient autant de défis lancés aux bourgeois timides qui ne conçoivent qu'une nature bien peignée. Cependant, loin d'être rebuté par cette outrance, j'achetai tout l'atelier. J'agis de même avec Derain. Mais, en me cédant les toiles qui tapissaient les murs, Derain fit exception pour l'une d'elles, qu'il retira du lot, une copie de Ghirlandaio. Quelle admirable transcription! Je me rappelle la colère de Degas devant une remarquable lithographie en couleur exécutée par Auguste Clos d'après une de ses œuvres. « Comment? On a osé !» Et presque aussitôt, « Il est tout de même rudement fort, le cochon qui a fait ça !» Je pense que Ghirlandaio aurait manifesté le même étonnement admiratif devant une telle réplique de son œuvre. Plus tard, je devais demander à Vlaminck et à Derain d'aller me faire des vues de Londres. On m'a reproché alors d'avoir dépaysé ces artistes en les détournant de leurs thèmes habituels. Maintenant que le temps a fait son œuvre, on peut se convaincre, en mettant les toiles peintes en France à côté de celles qu'ils ont rapportées d'Angleterre, que, s'il a quelque chose à dire, un peintre, même en changeant d'atmosphère, est toujours égal à lui-même. Quelqu'un, franchement, qui a déconcerté ceux qui veulent qu'un artiste persiste dans la même manière, c'est Matisse. Abandonnant ses gris qui plaisaient si fort aux amateurs, il en vint tout à coup aux couleurs éclatantes, tel ce portrait de femme qu'il présenta au salon d'automne de 1905 et qui marqua une étape nouvelle de son talent. Encore que l'audace de l'artiste ne dépassa pas les bornes du pur classicisme, ses tonalités claires le firent soupçonner de pactiser avec les fauves. Il n'en fallait pas plus pour éveiller les susceptibilités du président du Salon d'automne, M. Franz Jourdain. Celui-ci se montrait volontiers acquis aux recherches de la nouvelle peinture, mais, en chef prudent, il se gardait avec soin de rompre trop ouvertement avec l'art académique qui était encore en faveur dans la plus grande partie de l'opinion. Aussi, dans l'appréhension constante que l'un de ses poulains, par ses audaces, ne le compromît, il considérait que Matisse, avec son portrait de femme, faisait moderne avec excès. Et encore qu'il invoqua l'intérêt de Matisse lui-même, il n'arriva pas à persuader le jury qu'une telle toile, si elle était exposée, ferait le plus grand tort à son peintre. Le tableau ayant été reçu, « Pauvre Matisse, déplora M. Jourdain, moi qui croyais qu'il n'avait ici que des amis. » En marge des jeunes qui se cherchaient, il faut citer Charles Dulac. J'eus l'occasion de connaître Charles Dulac en 1890, quand M. Henri Cochin, le savant traducteur et commentateur de Dante, organisa dans mon magasin une exposition des œuvres de ce jeune peintre mystique que Huysmans appréciait fort. Je me rappelle surtout un étang, sur les pâles eaux duquel voguaient des cygnes. Dulac, âme franciscaine, concevait l'œuvre d'art comme un élan vers Dieu. Aussi, à l'exemple de Fra Angelico, avant de prendre ses pinceaux, se mettait-il en prière, attendant l'inspiration. De bons juges étaient, au reste, d'avis que les deux peintres n'avaient de commun que cet acte de piété. Le directeur des Beaux-Arts, M. Rougeon, inaugura l'exposition, dont les honneurs lui furent faits par M. Henri Cochin. Quand le haut fonctionnaire eut loué, comme il est d'usage, les œuvres exposées, me prenant à part, « On avait annoncé que je rencontrerais M. Cochin à votre exposition. Mais c'est avec lui que vous venez de causer. Comment ? Je connais très bien M. Denis Cochin. » Mais ce n'est pas M. Denis Cochin qui a organisé l'exposition du lac, c'est son frère, M. Henri Cochin. Ah, fit M. Rougeon. M. Henri Cochin, qui nous observait, crut sans doute que le directeur des Beaux-Arts avait en vue l'achat d'un du lac pour le Luxembourg. Il s'approcha de nous et, désignant à M. Rougeon une des toiles, n'est-ce pas ? Voilà qui ferait bien dans un musée. « Certes, je n'hésiterai pas, si cela dépendait uniquement de moi, » repartit M. Rougeon. « En tout cas, » répliqua M. Cochin, « puisque vous appréciez le talent de Dulac, nous comptons qu'il aura en vous un appui. »« Hélas, » dit M. Rougeon, « il y a deux hommes en moi, l'artiste et le fonctionnaire. » Et, désignant du doigt un paysage, où un ciel d'un rose chlorotique se détachait sur une nappe d'eau d'un gris livide. Comme artiste, certes, je suis très sensible à ces audaces de couleurs qui caractérisent les œuvres que vous venez de me faire admirer. Mais un directeur des Beaux-Arts a le devoir de suivre le goût du public et non de le précéder. Un jour que j'avais été voir Mayol à Marly-le-Roi, me dit Renoir, je le trouvais dans son jardin, le ciseau et le marteau à la main, devant un bloc de pierre. Alors que tant de sculpteurs modernes croient égaler les anciens en les plagiant, Mayol, lui, est si naturellement de la lignée des maîtres qu'en le voyant dégager sa forme, je pensais à un grec. Dieu sait pourtant si Mayol se préoccupe de cette antique ascendance. Quand il eut achevé ce jeune homme nu, aux formes parfaites, et qu'il avait baptisé le coureur cycliste, quelqu'un s'étonnant de ce titre. « Eh bien, fit Mayol, c'est un garçon qui faisait de la bicyclette, alors naturellement je l'ai appelé le coureur cycliste. » Et puis, je ne voulais pas qu'on puisse croire que j'ai voulu faire un Antinous. » L'hiver venu, Mayol quitte son atelier de Marly-le-Roi pour aller chercher le soleil dans son pays d'origine, à Bagnoul-sur-Mer. Il aime ce pays âpre, où le vent souffle parfois avec une violence sauvage. Mon imprimeur en fit l'expérience quand je l'envoyai prendre chez l'artiste les cuivres que celui-ci avait gravés pour mon édition des Folastries de Ronsard. « Je n'ai pas trouvé M. Mayol à Bagnouls même, » me dit mon messager à son retour. « Il m'a fallu aller à 5 kilomètres de là, à sa métairie. 5 kilomètres que j'ai dû faire tout courber, presque à 4 pattes, pour ne pas être enlevé en l'air. » Quand je racontai la chose à Mayol, « C'est que, » me dit-il, « il y avait du vent ce jour-là. » Heureusement qu'à Bagnouls, il ne fait pas du vent tous les jours. Monsieur Aspinwall W. Bradley, qui était allé rendre visite au grand sculpteur, me racontait les moments si agréables qu'il avait passés avec lui, assis sous les arbres à la terrasse d'un petit café. Comme on voyait s'avancer une jeune femme aux formes opulentes, « On m'a souvent demandé, dit le sculpteur, pourquoi je ne faisais jamais de femme mince. Vous voyez, je fais la femme de mon pays. » Renoir aussi aimait à peindre des femmes qui avaient des tétons, des fesses, des bras bien ronds et, pour tout dire, des chairs qui prennent bien la lumière. Un autre trait commun entre le peintre et le sculpteur, j'allais dire entre les deux sculpteurs, on connaît entre autres de Renoir la laveuse, le triomphe de Vénus, le jugement de Paris, l'ignorance dans laquelle ils étaient des plus notoires écrivains ou penseurs contemporains. Un jour que Renoir regardait un journal, « Encore l'art, Volard, lisez-moi ça !» Et, m'interrompant au beau milieu de ma lecture, « Avec leur sacrée habitude de faire faire la critique d'art par ceux qui sont chargés de la rubrique des chiens écrasés !» Or, l'article était signé Henri Bergson. Ce nom n'apprit rien à Renoir. Pour Mayol, n'ai-je pas entendu rapporter qu'un de ses amis, étant allé chez le sculpteur à Bagnouls, celui-ci lui dit « Il est venu quelqu'un de Paris voir l'atelier, Duhamel, Georges qu'il s'appelle. Il m'a dit qu'il écrivait. » Une chose laissait Mayol complètement indifférent, ce vertige de la vitesse qui est un des fléaux de l'existence contemporaine. On exaltait devant lui le spectacle incomparable d'une grande épreuve d'automobile. « Moi, » fit le sculpteur, « j'aime mieux voir courir des escargots. » Pour connaître les plus beaux Mayol, il fallut longtemps aller à l'étranger. Je citerai notamment la femme accroupie du musée de Winterthur. Une femme assise, ce splendide marbre dans l'ancienne collection Kessler, parure aujourd'hui du jardin de M. Oscar Reinhardt à Zurich. Les 4 saisons du musée Morozov à Moscou. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus rien à envier à personne, avec l'hommage à Cézanne aux Tuileries, le mémorial de Debussy à Saint-Germain, le monument aux morts de Serré. J'allais oublier le Blanqui. On raconte que le président du comité Blanqui, lequel n'était autre que M. Clémenceau, ayant demandé à Mayol « Comment voyez-vous votre monument ?» Celui-ci de répondre « Eh bien, je vois un beau cul de femme. » Mais, fragilité des mots historiques, ayant rapporté le propos à Mayol « Je n'ai pas dit cela. » Repartit le sculpteur. J'ai répondu, « Eh bien, je ferai une statue. » Quoi qu'il en soit, le monument à Blanqui n'en comporte pas moins le nu opulent d'une forte femme, les bras enchaînés derrière le dos, et où des admirateurs de Blanqui virent le symbole de la pensée captive. Une statue qui avait été commandée à Mayol par le comte Kessler connut une bien singulière aventure. Au moment de la marche des Allemands sur Paris, en 1914, le comte Kessler, redoutant que ses compatriotes, qui n'étaient pas tous des connaisseurs, ne respectassent pas l'atelier de Mayol, envoya à l'artiste le télégramme suivant « Enterrer statue ». Dans la fièvre où l'annonce de la guerre avait jeté tous les esprits, ce texte, bientôt connu, parut des plus équivoques aux patriotes du village. L'obsession de l'espionnage aidant, le bruit se répandit que le petit pavillon où le comte Kessler, grand amateur de beaux livres, faisait procéder à des essais de fabrication de papier sous la direction de Mayol, dissimulait une plateforme en béton armé préparée d'avance pour recevoir les canons qui viendraient bombarder Paris. Lors d'une de mes récentes visites à Mayol, celui-ci, dans son jardin, travaillait à une statue grandeur nature, représentant une femme tout enveloppée de voiles. Sur le visage empreint de mélancolie, on pouvait cependant surprendre comme un frémissement de vie. « C'est, m'expliqua l'artiste, une commande pour un tombeau. La veuve du mort a tenu à poser elle-même. » « Elle a l'air de se reprendre à l'existence, votre veuve, » dis-je au sculpteur. « Je ne sais pas, moi, je fais ce que je vois. Seulement, ces cochons qui ont moulé la glaise me donnent un sacré tintouin. Leur couche de plâtre est bien trop mince, et à chaque instant, mon outil rencontre la fibre qui forme l'armature. J'ai un travail double, mais quand je pense à ce que ça sera, une fois fondu en plomb, « ah, le plomb, quelle belle matière !» À ce moment, la veuve arriva accompagnée d'un monsieur, un beau garçon, ma foi. C'était son fiancé, à qui elle avait voulu faire admirer le monument. Je n'oublierai jamais le déjeuner que je fis à Cagnes, avec Rodin, chez Renoir. Tout de suite, je fus frappée du bon sens du sculpteur. Un bon sens allié à combien de finesse. Comme nous parlions de la Vénus de Milo, « Je crois bien, dit Rodin, que j'ai découvert le secret des statuaires grecs. Ils résident dans leur amour de la vie. C'est en empruntant tout à la vie que j'ai sorti mes plus beaux morceaux. On a souvent reproché à mon homme en marche de n'avoir pas de tête. Mais est-ce avec la tête qu'on marche ?» Rodin regarda un nu qui illuminait la salle à manger. Comme vous avez eu raison, Renoir, d'avoir fait le bras droit de cette femme plus gros que le gauche. Le droit, c'est le bras de l'action. Le plus jeune fils de Renoir, Claude, s'était brusquement levé de table en disant « Zut, je vas pas encore rater les fourmis !» Madame Renoir faisait les gros yeux. Un grand garçon de 13 ans qui passe son temps à suivre les fourmis. « J'étais comme ça à son âge, » fit Rodin avec bonhomie. « Entre deux moulages que je m'exerçais à faire dans ma première jeunesse, j'aimais observer les mœurs de ces bestioles. » Cette simplicité du maître ne l'empêchait pas d'avoir conscience de sa valeur. Quelqu'un rappela qu'un fauteuil était vacant à l'Académie des Beaux-Arts. « Un tas de gens, » s'écria Rodin, « ne veulent pas que j'entre à l'Institut. Ils sont là à me répéter « Maître, quand on a votre génie !»« Mon génie, est-ce qu'il empêche un Saint-Marceau, aux réceptions officielles, aux enterrements, partout, enfin, d'avoir le pas sur moi ? Si j'étais de l'Institut, est-ce que Clémenceau m'aurait fait recommencer son buste 15 fois, en me le laissant finalement pour compte ?» Pour faire diversion, Madame Renoir se leva. « J'ai un ordre à donner à côté, » fit-elle. « On pourrait, » dit Rodin, « faire un tour dans le jardin. J'aime tant la nature. » Mais ses yeux s'étaient portés sur ses souliers vernis. Il hocha la tête. « Après tout, on voit les fleurs aussi bien d'ici. » Au même moment, un valet de pied entra et annonça « La voiture de Madame la Comtesse attend Monsieur le Maître. » Après le départ de Rodin, Renoir parut songeur. Rompant tout à coup le silence, « Toutes ces femmes du monde qui sont à courir après Rodin, est-ce qu'elles savent seulement quel sculpteur c'est ? Monsieur Renoir, j'ai entendu dire à Cézanne qu'il mettait le Balzac au-dessus de toute la sculpture d'aujourd'hui. Et pas seulement d'aujourd'hui, fit Renoir. Ce Balzac, d'un tel ensemble et si décoratif, ce n'est pas étonnant si Rodin a tant de gens contre lui. Je n'ai jamais vu Mayol plus en colère qu'un jour où l'on cherchait, devant lui, à rabaisser le talent de Rodin. Vous dirais-je, interrompit Renoir, qu'entre Mayol et Rodin, c'est encore Mayol que je préfère par goût personnel, comme entre Michel-Ange et Donatello, c'est Donatello qui me va le plus au cœur. Je revis Rodin dans son atelier au dépôt des marbres où j'étais allé lui porter une statuette de Mayol. Comme j'allais sonner, j'entendis une voix féminine qui implorait « Maître, grâce pour une tête si charmante !» Une autre voix, mâle celle-là, proférait avec un fort accent toulousain « Rodin, le grand Rodin !» À cet instant, un visiteur, qui n'était autre que monsieur Dujardin Baumet, sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, arriva et sonna délibérément. Rodin lui-même vint ouvrir. Il avait à la main un grand sabre. Par terre, dans l'atelier, on voyait des débris de statues, des mains, des têtes coupées, que regardaient, avec consternation, les personnes présentes, parmi lesquelles on me désigna M. Camille Flammarion, la Loï Fuller, Madame de Thèbes, la célèbre voyante. « Quel crime !» gémissait la pythonisse. La voix méridionale jetait toujours « Rodin, le grand Rodin !» Ces exclamations étaient poussées par un petit homme qui portait un large collier de barbe. C'était Bourdel, l'élève préféré du maître. Rodin avisa une des statues, la seule qui restât intacte et qui avait sans doute motivé le recours en grâce de tout à l'heure. Il fit tournoyer son glaive. La tête tomba. « Une si jolie tête !» s'écria Dujardin Baumet. « Ce n'est pas une tête !» gronda Rodin. Nous nous regardions stupéfaits. Rodin ramassa un pied qu'il présenta au ministre. « Et ceci, qu'est-ce que c'est ?»« Mais un pied ?» D'un regard olympien, Rodin contemplait la tête et le pied. Tout le monde se taisait, même Bourdel. Pour le moment, fit le grand sculpteur, je ne trouve pas, ou plutôt je trouve trop de titres symboliques pour un pied. Espoir du matin, vaillance, douleur. Il faut que je laisse décanter ma pensée, qui se manifestera à son heure. L'autre jour, j'étais dans ma cave. Tout à coup, je sursautais. J'avais trouvé « Femme en Gésine » comme titre pour une sphère qui symbolisait la terre. Quelqu'un entra. C'était le coiffeur. Il tenait un petit sac de moleskine dont il tira un peignoir qui portait, épinglé, la rosette de commandeur de la Légion d'honneur. Rodin endossa le peignoir, puis alla s'asseoir devant une glace. L'artiste capillaire ouvrit sa trousse. L'assistance forma respectueusement le cercle. « Aujourd'hui, Jules, dit le maître au perruquier. « Vous allez couper ma barbe !» Un cri de stupeur s'éleva de l'assistance. « Le maître sans sa barbe ?» Bourdel rugit de nouveau. « Rodin, le grand Rodin !» Le coiffeur referma sa trousse. « Pour commettre un tel crime que le maître s'adresse à un autre !»« Brave Jules, fit Rodin, c'était pour rire, mon ami !» L'assistance respira. « Ah, ma barbe !» s'écria Rodin. « Je tire dessus quand l'inspiration est lente à venir. Certains touchent du bois, moi je touche ma barbe. » La porte s'ouvrit. Une femme s'avança, ayant dans les bras un enfant nouveau-né. Elle s'agenouilla devant Rodin. C'était une Russe, déléguée par un groupe d'exilés politiques. Elle nous apprit qu'elle venait de Sibérie pour apporter au maître l'hommage de ses admirateurs de là-bas. elle avait eu son bébé en cours de voyage. Bénissez-le, maître. Rodin imposa les mains sur la mère et l'enfant. Comme le coiffeur rangeait ses outils, Rodin se leva pour recevoir une visiteuse. Celle-ci lui présenta une statuette de bronze. « Quelle magnifique épreuve !» fit le sculpteur. Et, prenant sur une tablette une statuette semblable, il les mit côte à côte. « Elles sont toutes les deux parfaites. Pourtant, ajouta-t-il devenu pensif, il y en a une qui est un faux. Mais laquelle ?» Et Rodin expliqua. « Une œuvre de moi est vraie quand j'ai donné l'autorisation de la fondre. Elle est fausse quand on l'a fondue sans mon assentiment. Or, ici, je n'avais autorisé qu'une seule épreuve. On en a fondu deux. Alors, laquelle est la vraie? Laquelle est la fausse ?» Méditatif, Rodin tirait sur sa barbe. « Quelle admirable leçon de choses nous donne le maître !» s'exclama M. Dujardin Baumet. « Rodin, le grand Rodin !» lança Bourdelle. M. Dujardin Baumet avait ramassé l'une des têtes coupées. Rodin la lui prenant des mains. « Comme elle est plus belle sans le corps, je vous livre un de mes secrets. Tous ces morceaux que vous voyez là proviennent d'agrandissements. Or, dans un agrandissement, si certaines parties gardent leurs proportions, d'autres ne sont plus à l'échelle. Mais voilà, il faut savoir où couper. « Rodin, le grand Rodin !» psalmodia Bourdelle. À ce moment, apparut un valet de pied en riche livrée. Il portait une plante enveloppée d'un papier. Le papier enlevé, nous vîmes un petit arbuste tout couvert de fleurs. Au pied de la plante, un carton sur lequel la Loi Fuller lut ces mots « Acacia nain sans odeur ». « C'est encore une attention de bonne amie, » fit Rodin attendri. « Acacia nain sans odeur. Quelle merveilleuse chose que la science, commander à la nature !»« Où s'arrêtera le progrès ?» s'écria Camille Flammarion. « Ce matin encore, je lisais qu'on a inventé plus de 100 façons d'accommoder les œufs. Quand je pense que les Grecs... Nous leur devons bien des chefs-d'œuvre, déclara Madame de Thèbes. Mais il faut reconnaître qu'ils n'excellaient guère en cuisine. Leur repas, composé d'olives, d'un morceau de pain noir, de lait de chèvre. Les Grecs, coupa Rodin. Ah, retrouver leur magnifique simplicité. Hélas, nous ne sommes pas des Hellènes. Tenez. Par exemple, si j'osais me présenter, je ne dis pas chez le président de la République, mais seulement à une réception du conseil municipal, dans le costume d'un contemporain de Phidias. J'aurais beau dire « C'est moi, Rodin !» on me foutrait à la porte. Et dominant les exclamations indignées, « Rodin, le grand Rodin !» cria Bourdelle. Ne plus être le grand Rodin, articula sourdement le maître, mais se sentir aimé pour soi-même. Mais c'est pour vous-même que nous vous aimons, maître. Ces mots avaient été prononcés par une jeune personne toute menue, en qui on devinait un ancien modèle. Rodin sourit. Vous me faites penser, baronne, qu'il y a au moins 2 ans que je vous ai promis de faire quelque chose d'après vous. Il prit un bonnet phrygien et l'encoiffa. « J'ai besoin d'un attribut pour une statue de la République. » Une boule de glaise à la main, Rodin se mit au travail. Autour de lui, c'était un bourdonnement d'admiration. Monsieur Dujardin Baumet se fit l'interprète de l'assistance. « Illustre ami, où puisez-vous toute cette vie qui palpite dans les moindres fragments de votre œuvre ? Dans la vie elle-même, je fais de la vie avec la vie. » En voyant un pareil artiste devenu la proie de ce qu'on est convenu d'appeler le monde, je ne pouvais m'empêcher de penser à Gulliver, ligoté par les Lilliputiens. Ce qu'il y avait de pis pour le sculpteur, c'est que, lié par des chaînes de fleurs, il n'en était que plus solidement attaché et dans l'impossibilité de jamais s'évader. Midi sonnait. Nous sortîmes de l'atelier. Nous formions un groupe autour de Bourdel, à qui on se mit à parler d'une conférence qu'il venait de faire. « Votre lyrisme m'a émerveillé, maître, » minauda une dame. Bourdel, simplement. « J'avoue que je cède parfois à l'enthousiasme. Dans ces moments-là, j'ai des transports qui ne se retrouvent jamais dans le texte des sténographes. C'est à croire qu'il n'y a pas de signe pour les transcrire. » À mes premières expositions, rue Lafitte, j'avais remarqué un jeune homme à courte barbe rousse et portant une pèlerine à capuchon, ornée en guise d'agrafe de deux grosses boucles de métal argenté. C'était, comme je devais l'apprendre plus tard, Georges Rouault, le disciple favori de Gustave Moreau, dont ce dernier avait dit « On voit bien que celui-là est mon élève, il porte des joyaux ». Je ne songeais pas à faire connaissance avec ce visiteur qui regardait, s'arrêtait, puis sortait sans prononcer un mot. Ce mutisme surprendra ceux qui connaissent le Rouault d'aujourd'hui. Je parle, moi, du Rouault d'il y a 40 ans, et dont son maître disait « Il ne répond que par oui ou par non ». Mais dans ce oui ou dans ce non, il met une telle passion que, s'il peint comme il parle, il ira loin. À quelque temps de là, je pus voir, de ce jeune peintre, des aquarelles d'un tel éclat que j'eus l'idée de lui demander de me décorer des poteries. J'obtins ainsi ces vases, ces assiettes et ces plats qui semblaient provenir de quelque faïencerie de la Renaissance. Un jour, je dis à Rouault, ces jaunes intenses, ces bruns rouges ardents, ces rares bleus d'outre-mer qui donnent à vos tableaux tout l'aspect des vitraux anciens. Il m'interrompit. On m'a déjà dit que ma peinture faisait penser à des vitraux. Cela tient probablement à mon premier métier. Quand j'eus mon certificat d'études, mes parents me mirent en apprentissage chez un maître verrier. J'étais payé 10 sous par semaine. Ma besogne consistait à surveiller les cuissons et surtout à trier les petits morceaux de verre qui tombaient des vitraux qu'on nous apportait à réparer. C'est ainsi que je pris le goût passionné que j'ai eu et que j'ai toujours pour les vitraux anciens. On m'a demandé à partir de quel âge je me sentis porté vers la peinture. Dès mes premiers pas, j'ai pataugé dans les couleurs. Mes tantes peignaient sur porcelaine et sur éventail. Je m'emparais des bouts de crayon, des vieux pinceaux, des tubes qui traînaient, et je m'essayais, moi aussi, à peindre. Georges Rouault est né en 1871 à Paris, pendant la Commune, dans une cave où l'on avait dû transporter sa mère. Un obus venait d'éclater dans la maison voisine. L'émotion ressentie par Madame Rouault avait déterminé chez le nouveau-né une grande faiblesse du cœur. Plus tard, les médecins ne manquèrent jamais de recommander à Georges Rouault d'éviter avec soin tout exercice pénible, tout surmenage. Singulière recommandation, quand on connaît le bourreau de travail qu'est notre peintre. Toutes les branches de l'art l'auront attiré. La céramique, la sculpture, la lithographie et l'eau forte. Je ne parle pas de la peinture, qui est pour lui un besoin comme de respirer. Du reste, Rouault avait de qui tenir. Son père, ébéniste chez Pleyel, était un de ces artisans d'autrefois qui avaient l'orgueil de leur métier. Un meuble au bois mal ajusté et qui jouait lui causait une véritable souffrance. Rouault se montre très fier de ses origines artisanes. La veille de son mariage, une dame de la famille dans laquelle il allait entrer, et qui lui était sourdement hostile, lui ayant demandé avec un intérêt simulé « Que faisait votre père, cher monsieur ?»« Il était ouvrier chez Pleyel. »« Vous voulez dire employé ?»« Non, madame. » Ouvrier. L'indiscrète avait fait une moue dédaigneuse. « Êtes-vous chrétienne ?» lui demanda le peintre narquois. « Quelle question !»« Alors, vous devriez honorer mon père, puisque vous honorez Saint-Joseph le charpentier et son apprenti, l'enfant Jésus. » Vexée, la dame s'éloigna en murmurant. « Je comprends maintenant pourquoi la peinture de ce garçon est si laide. » Laideur, si l'on veut, mais quelle autorité! Cette qualité dominante de l'œuvre de Rouault, je n'en connais pas de témoignage plus typique que celui que m'offrit, un jour, un ménage d'Américains, sur qui elle s'exerçait comme un sortilège. Les époux habitaient Honolulu, et, comme je les enviais d'avoir sous les yeux les splendeurs du Pacifique, « Oui, dit la dame, mais ce qui est plus splendide pour nous, c'est le fascinant Rouault que nous emportons. » Un matin, entra dans mon magasin quelqu'un que je pris pour un commissionnaire. Défaisant un paquet qu'il portait sous le bras, il en sortit deux ou trois petites toiles. « Je suis peintre, » me dit-il. C'était Henri Rousseau, dit le douanier, du fait de son ancien état. Il ne se contentait pas de peindre. Il m'apprit qu'il avait ouvert un cours de musique. « Mes élèves, disait-il pompeusement, de quelques jeunes employés de son quartier de plaisance. » Que l'on goûtât ou non sa peinture, on ne pouvait pas, dès qu'on le connaissait, ne pas aimer l'homme qui était la complaisance même. C'est ainsi qu'il lui arriva un jour la fâcheuse aventure d'être arrêté. Un des élèves de son cours de musique, abusant de la candeur de Rousseau, lui avait demandé d'aller toucher à sa place un chèque qui était un faux. Quand le coupable, qui attendait Rousseau à quelque distance de la banque, le vit sortir entre deux agents, il devina que l'escroquerie était découverte et il s'éclipsa. L'élève n'ayant pas été retrouvé, ce fut le professeur qui alla devant les juges. Sa cause paraissait désespérée lorsque l'avocat, faisant passer sous les yeux des magistrats un des tableaux du douanier qu'il avait apporté. « Doutez-vous maintenant, dit-il au tribunal, que mon client soit un innocent ?» Le tribunal se trouva sans doute suffisamment éclairé. Rousseau, condamné pour le principe, bénéficia de la loi de sursis. Et, pour ne pas être en reste de politesse avec les juges, le peintre, en quittant le banc des prévenus, offrit au président de faire gracieusement le portrait de sa dame. Mais s'il trouva grâce devant la justice de son pays, il ne devait pas bénéficier de l'indulgence de M. Franz Jourdain, le président du Salon d'automne. Un jour, quelqu'un lui ayant dit à propos d'un tableau de Rousseau, « Cela évoque l'art persan. » M. Jourdain sursauta. « Du persan, ici? On va m'accuser de n'être pas moderne. » Tout cela n'était pas fait pour avancer les affaires du peintre qui, trouvant qu'une situation stable valait mieux que les aléas de la peinture, alla demander à M. Jourdain une place de gardien au salon d'automne. M. Jourdain vit là un coup des fauves, qu'il s'imaginait toujours prêt à lui faire des blagues. « Je ne vous donnerai pas cette place qui vous rendrait ridicule, dit-il au maître de plaisance. Moi, je vous veux du bien. Pour le vernissage, j'avais pris soin de cacher votre envoi derrière un rideau, vous voyez ?»« Ce que je voyais, monsieur Volard. Oh, monsieur Rousseau, cacher comme ça un tableau, vous avez sûrement mal compris. » En tout cas, reprit le douanier, je faisais bonne garde. Or, un jour qu'assis sur une banquette, devant mon combat de lion et de jaguar, je m'étais assoupi, voilà que je fais un rêve. À la place de mon tableau, je vois une petite boîte qui se met à bouger. Brusquement, le couvercle saute et il embondit un diable qui était tout le portrait de M. Jourdain. À ce moment, passait un groupe de peintres, Derain, Vlaminck, Rouault, Matisse, Marquet. Alors le petit diable, brandissant un parapluie, leur en donnait de bons coups sur les mollets. Je me réveillai. Plus de petit diable et mon tableau toujours à sa place. À quelques pas de moi, M. Jourdain, en chair et en os, qui jouait avec un crayon au bout d'une chaînette. Vous dites, M. Rousseau, qu'il avait un crayon à la main ? Certainement, M. Vollard, je vous assure qu'il avait un crayon à la main. Je vis, par là, avec quelle circonspection il faut accepter ce que l'on entend dire, même aux personnes les plus qualifiées. Feu l'architecte Fivas, parlant devant moi de son confrère, ne disait-il pas « Ce qu'il y a de plus étonnant pour un architecte, c'est qu'on n'a jamais vu Jourdain le crayon à la main. » On a dit que Rousseau peignait ses tableaux d'après les gravures de journaux. Un matin, devant une de ces toiles que certains critiques avaient traitées de carte postale agrandie et qui représentait une femme nue rêvant sur un canapé rouge au milieu d'une forêt vierge, je lui dis « Voyons, monsieur Rousseau, comment avez-vous pu faire circuler tant d'air parmi ces arbres ?»« C'est par l'observation de la nature, monsieur Vollard. » Un après-midi, Rousseau arriva à mon magasin dans un fiacre ouvert. Il avait devant lui une toile de 2 mètres de haut. Je le vois encore luttant contre le vent. Quand il eut déposé sa toile dans le magasin, il se mit à la contempler avec une sorte de dévotion. « Vous semblez content de votre travail, monsieur Rousseau, » lui dis-je. « Et vous, monsieur Vollard ? » ?»« C'est pour le Louvre, ça !» Ses yeux brillèrent. « Puisque vous appréciez ma peinture, ne pourriez-vous pas, monsieur Vollard, me donner un certificat, constatant que je fais des progrès ?»« Vous voulez rire ? Donner pareille attestation serait le comble du ridicule pour nous deux. Mais qu'est-ce que vous voudriez faire de mon certificat ? Je dois vous dire que je désire me marier. À la douane, j'étais dans le service debout. Mon futur beau-père, lui, était dans les bureaux. Vous comprenez, ces messieurs-là regardent avec dédain les simples gabelous. Et puis, donner sa fille à quelqu'un qui porte lui-même ses tableaux chez les clients. Qu'à cela ne tienne, monsieur Rousseau, j'irai les prendre chez vous si cela peut vous être agréable. Oui, mais voilà. Si la famille de ma future apprenait que l'on ne me voit plus dans les rues avec mes tableaux sous le bras, elle croirait que je n'ai plus de travail. Je pensais qu'une attestation de quelqu'un qui a un magasin, qu'un certificat de patenté... Ma situation devient difficile. Le père de ma promise m'adresse des menaces, parce qu'il sait que sa fille et moi, nous continuons de nous fréquenter malgré sa défense. Attention, monsieur Rousseau, si votre future a moins de 16 ans, son père peut vous poursuivre pour détournement de mineur. Oh, monsieur Vollard, elle a 54 ans. Un jour, Rousseau m'avait récité une poésie de sa composition, où il était question de fantômes. Des fantômes, monsieur Rousseau ? Vous n'y croyez pas, vous, aux fantômes, monsieur Vollard ? Ma foi, non, je n'y crois pas. Eh bien, moi, j'y crois. Il y en a même un qui m'a tourmenté assez longtemps. Et comment était-il votre fantôme ? C'était un homme comme les autres, rien de particulier. Il venait me narquer quand je faisais mon service à l'octroi. Il savait bien que je ne pouvais pas quitter mon poste. Alors il me tirait la langue ou il me faisait des pieds de nez. Et un jour même, il a lâché un gros pé. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'était un fantôme ? C'est M. Apollinaire qui me l'a dit. Vers 1901, je reçus la visite d'un jeune Espagnol, vêtu avec recherche, et qui m'était amené par un de ses compatriotes que je connaissais quelque peu. Celui-ci portait un nom comme Manache. C'était un industriel de Barcelone. Je me souviens qu'un jour que je traversais cette ville, il m'avait fait visiter sa fabrique. À l'entrée des ateliers, une lampe brûlait devant une statue de saint. « Et remarquez, ce sont les ouvriers qui fournissent l'huile, » m'expliqua-t-il. « Tant que la petite lampe brûlera, je suis assuré de ne pas avoir de grève. » Le compagnon de Manache n'était autre que le peintre Pablo Picasso, qui, âgé seulement de 19 à 20 ans, n'en avait pas moins fait une centaine de toiles qu'il m'apportait en vue d'une exposition. Cette exposition n'eut aucun succès, et, de longtemps, Picasso ne devait pas trouver meilleur accueil auprès du public. Encore que je me sois interdit toute intrusion dans le domaine de la critique d'art, qu'il me soit permis de dire un mot de l'époque cubiste, de l'artiste à un moment où passant, amateur, critique d'art, peintre même, personne ne consentait encore à reconnaître que, dans la nature, on pouvait ne voir qu'un assemblage de formes géométriques. Quoi qu'il en soit, le cubisme, qui devait avoir sur l'art décoratif et sur tout un groupe de jeunes artistes une influence si marquée, allait, avant de s'imposer à Paris, gagner l'Allemagne à vide, comme l'on sait, de toutes les nouveautés, et bientôt les États scandinaves, les Amériques. À ce propos, un New-Yorkais, que les controverses sur le cubisme passionnaient, voulant connaître le chef de la nouvelle école, effectua le voyage de Paris. Une étoile avait conduit les rois mages vers les tables de Bethléem. Il ne s'en trouva pas pour guider l'Américain vers l'humble atelier où la doctrine s'élaborait. Il savait seulement que c'était à Montmartre. Il se mit donc à explorer tous les coins de la butte, interpellant passants, chauffeurs, crieurs de journaux, concierges sur le pas de leurs portes, ouvriers en costume de travail, questionnant chacun « cubisme, cubisme !» le seul mot qu'il sut prononcer en français. Et, comme nul ne lui répondait, il se persuada bien vite que le cubisme avait cessé d'être. Sans plus chercher, il renonça à pénétrer les arcanes de la peinture nouvelle et reprit le bateau pour New York. Quel n'aura pas été son effarement si, plus tard, il apprit qu'il avait croisé l'inventeur du cubisme, Picasso lui-même, dans ce jeune homme qui, en salopette, revenait de chez le crémier, sa boîte à lait à la main. J'ai posé un certain nombre de fois. Renoir, notamment, a fait plusieurs portraits de moi, dont un en toréador. À cette époque, Renoir avait 75 ans. Tout perclus de rhumatisme, il continuait à travailler avec l'ardeur de la jeunesse. Je le vois encore, allant au paysage, porté dans un fauteuil à bras par la grande Louise et Baptistin le jardinier. On devait lui attacher le pinceau entre les doigts. Il était dans cet état quand il me peignit avec la veste brodée, la toque noire et les escarpins des toreros. Ce tableau a une histoire. Comme j'annonçais au peintre que je devais partir pour l'Espagne, « Ah, depuis longtemps, me dit Renoir, j'ai envie de peindre un toréador. Un de mes modèles a la même corpulence que vous. Tâchez donc de me rapporter de là-bas un costume de toréador à votre taille. » Mais nulle part, ni à Séville, ni à Madrid, ni à Tolède, il ne me fut possible de trouver un costume qui m'alla. Je fus donc forcé d'en commander un. À mon retour à Paris, le douanier préposé à la visite des bagages tiqua sur le beau costume. « C'est mon vêtement de travail, » dis-je avec assurance. « Ah, vous êtes toréador. Eh bien, mettez voir un peu ça. » Je dus m'exécuter. Je me trouvais superbe dans cette veste brodée d'or et d'argent et dans la culotte non moins fastueuse. Mais les badauds affluaient déjà autour de moi. Je me dérobai à la curiosité de la foule en sautant dans un taxi et me fis conduire chez Renoir. « Bravo !» s'écria le peintre dès qu'il me vit. « C'est vous qui allez poser !» Machinalement, j'avais pris une rose sur la table. « Vous serez le torero à la rose. » Puis, « Non, la rose me gênerait pour peindre vos mains. Jetez-la. Elle fera une note sur le tapis. » Je demandai à Renoir si je ne devais pas me faire raser. « Même raser, s'écria-t-il. « Croyez-vous que l'on vous prendra pour un vrai toréador ?»« Ce que je vous demande, par exemple, c'est de ne pas vous endormir pendant que vous poserez. » La pose avec Renoir n'était nullement fatigante pour le modèle. On pouvait parler, même bouger. Un certain 14 juillet, à Cagnes, comme je posais, une troupe de gens vint à passer sous les fenêtres de l'atelier en chantant à tue-tête. « Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs !» Renoir eut un geste d'agacement. « Vous les entendez ? Eh bien, cette liberté qu'ils ont tout le temps à la bouche, si vous saviez quelle horreur ils en ont au fond !» Un jour, je disais à quelqu'un, « Mais qu'est-ce qui vous déplaît donc tant dans ma peinture ?»« Ce qui me déplaît, répondit-il, c'est que vous peignez avec une telle liberté. » Rien ne dérangeait Renoir quand il avait séance de modèle. Les gens entraient et sortaient. Un jour, un couple allemand se présenta à l'atelier. C'était pour le portrait de la dame. À ce moment, Renoir travaillait avec un modèle dont le corsage était largement échancré. « Pour madame, dit l'Allemand en désignant sa femme, « je demande que vous ferez plus un dîme. » « Comme ça, fit Renoir, drapant sur le modèle une écharpe qui diminuait son décolletage. « Non, je vous dis, plus un dîme. » Alors Renoir remonta encore l'écharpe. « mais non !» protesta l'Allemand. « Tout à fait intime, je vous dis. Qu'on voit au moins une mamelle !» L'Allemand et l'Allemande, une fois partis, Renoir eut un geste. « Ouvrez donc la fenêtre, Volard, que le soleil entre dans l'atelier. Vous voyez d'ici, auprès de la fontaine, ce massif de roses. » N'est-ce pas que cela appelle une statue de Mayol ? La dernière fois que je vis Mayol, c'était à Marly. Dans son jardin, il travaillait à une Vénus. Il cherchait sa forme, sans aucune mise au point. C'était la première fois que je voyais ça. Les autres croient se rapprocher de l'antique en le copiant. Mayol, lui, sans rien emprunter aux anciens, est tellement leur enfant. Qu'à voir venir sa pierre, je cherchais autour de moi des oliviers. Je me croyais transporté en Grèce. Le facteur frappa. Il apportait une lettre. Renoir commença de la lire. Ah, voilà un ami. Il va jusqu'à s'inquiéter si l'on a retrouvé le chien de Jean. Ses filles sont en train de me tricoter une couverture. Subitement, le visage de Renoir s'assombrit. J'allais me croire aimé pour moi-même. C'est ma peinture qu'on aime. Il me parle des tableaux qu'il attend. Et, avec de la tristesse dans la voix, je suis arrivé. Les honneurs me viennent de partout. Ma situation doit paraître enviable, et je ne puis me flatter d'avoir un ami. Ne pas m'endormir, me disait Renoir pendant les séances de pause. C'est aussi ce à quoi je m'efforçais lorsque j'allais poser chez Cézanne. Au beau milieu de l'atelier, sur une petite plateforme que supportaient quatre piquets, était placé un tabouret. Cézanne m'invita à y monter. Devant la méfiance que je manifestais sur la solidité de tout cet agencement, « C'est moi-même qui ai préparé la chaise pour la pose, » me dit le peintre avec un sourire engageant. Prenez seulement soin de bien garder l'équilibre. D'ailleurs, quand on pose, ce n'est pas pour bouger. Or, à peine sur mon socle, voilà que le sommeil me gagne. Ma tête s'incline sur mon épaule. Du coup, l'équilibre est rompu et, plateforme, chaise et moi-même, le tout est par terre. Cézanne se précipita. « Malheureux, vous avez dérangé la pose. On doit poser comme une pomme. » Est-ce que ça remue une pomme ? Malgré l'immobilité de ce fruit, il arrivait néanmoins à Cézanne de laisser en plan une étude de pommes parce qu'elles avaient pourri. Il en vint même à leur préférer les fleurs en papier. Et il finit par les lâcher aussi, car, si elles ne pourrissent pas, elles se décolorent, les bougresses. En désespoir de cause, il fut amené à s'inspirer des images des journaux illustrés que recevaient ses sœurs ou des gravures du magasin pittoresque dont il possédait quelques tomes dépareillés. Que lui importait cela, puisque, pour lui, peindre, ce n'était pas copier des objets, mais réaliser ses sensations? À la vérité, pour satisfaire les exigences de Cézanne, pour lui faire augurer que la séance à l'atelier serait bonne, il fallait beaucoup de conditions. Que le temps fût gris clair, que le peintre n'eût pas de sujet de mécontentement. Par exemple, d'avoir lu dans son journal, qui était la croix, la nouvelle d'une victoire des Anglais sur les Boers. Comme aussi d'entendre l'aboiement des chiens ou le bruit d'un ascenseur du voisinage qu'il attribuait à une usine de marteaux pilons. Encore que Cézanne se trouvât rarement dans des conditions qui lui fussent favorables, c'était toujours avec le même optimisme qu'il prenait ses pinceaux. Mais il avait à l'égard du modèle les exigences les plus impérieuses. Il vous traitait positivement comme sa chose. Et quand son fils lui disait « À le faire revenir tout le temps, tu finiras par fatiguer Volard !» Cézanne l'écoutait sans comprendre, car, opiniâtrement tendu sur son labeur, il ne supposait pas qu'un autre pût avoir besoin de repos. C'est seulement quand son fils insistait « Mais si tu le fatigues, Volard posera mal !» que le peintre, se reprenant à la réalité, « Fils, tu as raison, il faut ménager le modèle. » Et après 115 séances de pause, Cézanne me dit avec satisfaction « Je ne suis pas mécontent du devant de la chemise. » J'ai posé pour d'autres peintres que Renoir et Cézanne, pour Bonnard notamment, qui fit deux portraits de moi. Mais chez lui, je ne m'endormais pas, car j'avais toujours sur mes genoux un petit chat qui était difficile à tenir. Un artiste du nom de Raphaël S. me demanda de faire d'après moi une eau-forte. Il voulait publier un album de célébrités. Je tentai vainement de me dérober en lui représentant que je n'avais pas de titre pour y figurer. Devant l'insistance de l'artiste, je crus comprendre qu'il avait pensé à moi pour être l'éditeur de sa publication. Un beau matin, S., une plaque de cuivre sous le bras, entra dans l'atelier de Renoir qu'il ne connaissait pas. « Monsieur Renoir, dit-il, je viens faire votre portrait. »« Eh bien, fit Renoir prise à l'improviste, asseyez-vous là. Pendant que je travaillerai, vous ferez votre affaire. » S. revint un autre jour. « Monsieur Renoir, voici une épreuve. Je voudrais que vous me mettiez une dédicace. » Sans hésiter, le peintre écrivit « À Monsieur Raphaël S., grâce à qui je passerai à la postérité. » Le même graveur avait aussi jeté son dévolu sur Degas et m'avait demandé instamment de le présenter au peintre. Or, un jour, S. se trouva dans mon magasin en même temps qu'un vieux monsieur qui était assis sur une chaise, les deux mains appuyées sur le pommeau de sa canne. Lorsque celui-ci fut parti, « Quand est-ce donc que vous me ferez connaître Degas ?» me demanda S. Il ne sut jamais qu'il venait de le voir, non plus ce que nous aurions pris tous les deux si j'avais commis l'imprudence de dire « Monsieur Degas, voilà Monsieur Raphaël S. qui veut faire votre portrait. » Pour ce qui est du mien, j'avais découragé S. dès la première séance, en cédant malgré moi au sommeil. J'étais vraiment sans excuse, car la jolie Madame S., pour me tenir éveillée, avait apporté un petit serin mécanique. Après tout, c'est peut-être le chant de l'oiseau qui m'a endormie. Picasso a fait de moi un portrait des plus importants. Cette toile, de l'époque cubiste, est aujourd'hui au musée de Moscou. Bien entendu, devant ce tableau, des gens prétendus connaisseurs se livraient à la plaisanterie facile de demander ce que cela représentait. Le fils d'un de mes amis, un gosse de 4 ans, se trouvant devant la toile, posa un doigt dessus. Et, sans hésiter, « Ça, c'est Voyard !» Degas m'avait dit, « Je tâcherai de faire quelque chose d'après vous. » Mais c'était vers la fin de sa vie, alors que le peintre ne voyait vraiment presque plus. Lui qui, pendant si longtemps, avait pris l'habitude de dire qu'il ne voyait plus, maintenant que ses yeux l'abandonnaient, il ne voulait pas en convenir. Son modèle ayant commis l'imprudence de dire pendant une interruption de pause « Mais, monsieur Degas, ma tête n'est pas en place sur mon cou !» L'imprudente dut aller se rhabiller sur le palier, où, de colère, le peintre avait jeté pêle-mêle ses vêtements. Bref, au jour qu'il m'avait fixé, il ne fit que me parler de l'état de sa vessie. C'était devenu chez lui une obsession. À un moment donné, entendant sonner, son bol de tisane de queue de cerise à la main, il alla ouvrir. Une jeune femme venait se proposer comme modèle. Avant que celle-ci ait eu le temps de placer un mot, Degas, toujours hanté par son mal, « Est-ce que vous pissez bien, vous ?» lui demanda-t-il. « Moi, je pisse très mal, et mon ami R aussi. » Ainsi se termina le rendez-vous que Degas m'avait donné pour mon portrait.